les soirs, passer seul l'horreur, les nuits, à 30 cafards à l'heure, je relis la seule lettre que j'ai de toi. Salut, bonjour ou bien bonsoir, voyons par quoi commencer. Il est bientôt 23h et un quart, alors commençons par des banalités. Le temps, passons pas ce temps en tour, de passe-passe impair, tu passes et je perds, tu manques, je repasse dans l'impasse. L'essentiel, je trouve pas. Merci, c'est peut-être ça l'essentiel. Merci. Les soirs, passer seul l'horreur, les nuits, à 30 cafards à l'heure, je relis la seule lettre que j'ai de toi. Les soirs, passer seul l'horreur, les nuits, à 30 cafards à l'heure, je relis la seule lettre que j'ai de toi. Les soirs, passer seul l'horreur, les nuits, à 30 cafards à l'heure, je relis la seule lettre que j'ai de toi.